rien ne peut nous arriver. Parce qu'il a déjà dit, allons de l'autre bord. Quand il dit, reçois la guérison, crois que tu l'as déjà reçu, parce qu'il l'a déjà dit. Tout ce qu'il dit finit par arriver. Nous confessons un nom qui est puissant. Nous croyons à un nom qui est glorieux. Le centenier, il a dit, maître, par ta parole, mon serviteur trouvera la guérison. Juste dis un mot, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Nous avons affaire à un Dieu, quand il dit seulement un mot, quel que soit le désastre, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'embûche, quel que soit le dérangement, rien ne peut résister à sa parole. Quand il dit un mot, la chose finit par s'accomplir. Ce Dieu est puissant, ce Dieu est glorieux. Je ne chanterai point d'autre nom que Jésus, que Jésus. Je ne chanterai point d'autre nom que Jésus, que Jésus. Ma bouche déclare point d'autre nom que Jésus, que Jésus. Je ne chanterai, je chanterai. Jésus, que Jésus, je chanterai, je chanterai, point d'autre nom que Jésus. Thank you. Pendant que tu pries, pendant que tu montes dans la prière, Dieu est en train d'exaucer. Il est en train d'écouter ta prière. Est-ce que tu peux encore monter? Prie encore bien. Pendant que tu pries, nous sommes en train de parcourir le livre de Luc, chapitre 5. Là où le maître dit à Simon-Pierre de jeter encore une fois son filet. Simon-Pierre, découragé par le travail abattu la nuit, au lieu d'exécuter la parole du maître, lui se met à justifier le travail accompli sans fruit la nuit. Quand le maître parle, nous devons l'écouter et exécuter. Et pendant que la bénédiction a atteint la barque de Simon, il n'a pas seulement béni Simon, ça a aussi béni ceux-là qui étaient de l'autre côté en train d'observer. Ce soir, cet après-midi, pendant que tu seras en train de louer, pendant que tu seras en train de l'élever, ton voisin qui sera là en train d'attendre, il sera aussi touché, atteint par ta bénédiction. Quand le maître parle, nous devons écouter sa parole et la mettre en pratique. Prie encore une fois, même pendant une minute. Tu dis, Seigneur, je suis là. Dans ta présence, je suis là. Parle. Et sur ta parole, je vais jeter mon filet. Sur ta parole, j'attraperai le bon nombre de poissons. Sur ta parole, un miracle va se passer ce soir. Sur ta parole, quelque chose va se passer ce soir. Sur ta parole ce soir, ma maladie qui a entraîné va partir. Sur ta parole, mon chômage qui a entraîné va prendre fin. Sur ta parole, mon ministère qui n'a pas eu de succès va monter. Sur ta parole ce soir, Seigneur, que ta parole qui transforme des vies, que ta parole qui restaure des vies, que ta parole qui fait des miracles, le fasse encore ce soir. Nous croyons, Seigneur, en ta parole. Nous croyons encore une fois que tu es le Dieu qui a opéré hier. Tu es le Dieu qui va encore opérer aujourd'hui. Nous croyons ce soir en ta parole. Cette parole qui ne change jamais. Bien-aimé, tu peux monter, tu peux prier. N'attends pas quelle que soit la musique, n'attends pas quelque chose. Le miracle viendra de l'intérieur de toi-même. Le nom de Jésus. Crois en ce que tu es en train de confesser. Crois-le-moi. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tout le nom. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Roi de rois, aucun nom n'est comme le tien. Alléluia. Nous pouvons une fois de plus acclamer pour notre Dieu. Alléluia. Pendant que tu acclames, ta prière est en train d'être exaucée. Pendant que tu acclames, quelque chose est en train de se passer. Pendant que tu acclames, ton miracle est en train de s'accomplir. Tu acclames pour le roi des rois. gloire. Alléluia. Nous acclamons une fois de plus. Dieu de gloire. Si nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, nous allons louer notre Dieu. Il mérite nos acclamations, bien sûr, il mérite aussi nos louanges. Par notre bouche, nous allons confesser ensemble avec la chorale ce que Dieu est. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie qui peut balancer sa main, qui peut balancer sa main? Au moment où tu balances ta main, est-ce que tu peux croiser les deux mains pour acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Oui, tu le fais bien, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour le roi des rois. Est-ce que tu peux encore bien le faire pour le Seigneur des Seigneurs? Tu peux bien le faire pour le Seigneur des Seigneurs? Tu peux bien... Est-ce que tu peux aussi pousser des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie? Nous allons chanter celui qui est dans le ciel. Ei wa isalela wa nye. Ei wa isalela wa nye munanga. Ei wa isalela wa nye. Ei wa isalela wa nye munanga. Si tu connais les chants, est-ce que tu peux aller ensemble avec la chorale? On y va. Maboko. Maboko. Maboko. Maboko. Oui, quel est des cris de joie pour le Seigneur? Hey, waïsalela wanye. Hey, waïsalela wanye munanga. Hey, waïsalela wanye. Hey, waïsalela wanye munanga. Hey, waïsalela wanye. Hey, waïsalela wanye munanga. Hey, waïsalela wanye. Yo yo yo. Hey, waïsalela wanye munanga. Hey, waïsalela zambi wanye munanga. Hey, waïsalela wanye munanga. Hey, waïsalela wanye. Yo yo yo. Hey, waïsalela wanye munanga. Anyo asamba boyo wa. Yesu kenga mulwe, nani wa samba boyo wani, bema kafuwe na makenga. Nani wa samba boyo wani, Yesu kenga mulwe, nani wa samba boyo wani, bema kafuwe na makenga. Nani wa samba boyo wani, Yesu kenga mulwe, nani wa samba boyo wani, bema kafuwe na makenga. Nani wa samba boyo wani, Yesu kenga mulwe, nani wa samba boyo wani, bema kafuwe na makenga. Samba boyo wani Yesu kenga mule ngani wa samba boyo wani bema kavumwe na makemale ngani wa samba boyo wani oh, yo, yo, Yesu kenga mule ngani wa samba boyo wani bema kavumwe na oh, papa wani wa samba boyo wani wa samba boyo wani wa samba boyo wani wa samba boyo wani wa samba boyo wani wa samba boyo wani wa samba boyo wani Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, milele o milele Mungu wa baraka ni Yesu. O milele Mungu wa baraka ni Yesu. O milele Mungu wa baraka ni Yesu. O milele Mungu wa milele ni Yesu. O milele Mungu wa baraka ni Yesu. Que nous pouvons acclamer pour le roi de gloire. Nous acclamons pour Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Nous acclamons pour l'Éternel Dieu, le Dieu hors du temps, le Dieu présent partout et à tout moment. Nous acclamons pour l'Éternel, le Dieu qui était, le Dieu qui est, le Dieu qui sera. Pendant un moment, tu élèves ta voix. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons lui dire combien il est bon. Nous allons lui dire combien il est merveilleux. Est-ce qu'un cœur peut monter et dire combien Dieu est adorable? Élève ta voix, bien-aimé. Dis-lui ce qu'il est. Parle à Dieu. Adore-lui. L'adorer ne se limite pas seulement à lui dire « Seigneur, je t'adore ». Lui dire « Seigneur, je t'adore », c'est vrai, c'est bien. C'est déjà aborder le sujet de l'adoration. Mais lui dire ce qu'il est, c'est ça même entrer dans la profondeur de ton adoration. Qu'est-ce que Dieu est pour ta vie? Qu'est-ce que ce Dieu a fait pour ta vie? Qu'est-ce que ce Dieu a accompli dans ta vie? Élève ce Dieu pour ce qu'il a fait. Être en vie en ce jour, c'est un sujet d'adoration. Être en bonne santé, se tenir sur ses deux pieds, c'est un sujet d'adoration. Il y a de ceux-là ce jour, ils ne savent pas se tenir sur leurs deux pieds. Mais toi et moi, nous avons cette possibilité. N'attends pas la musique. Ton cœur doit bouillonner d'adoration. Oui, Jésus, sois élevé, Éternel. Merci, Emmanuel, Dieu de gloire, pour ton amour. Nous t'adorons, Emmanuel, Dieu de gloire. Nous t'adorons, toi, le Dieu fidèle. Sois élevé, Éternel, Dieu tout-puissant. Car il est glorieux. Les vents. À bénir le Seigneur. Dis-lui merci. Seigneur, merci. Toute la semaine, tu nous as gardé. Nous voici ce soir devant toi, Seigneur. Nous venons élever ton nom. Nous venons bénir ce nom merveilleux. Ton nom est incomparable. La Bible me dit que c'est le nom qui nous a été donné, le seul par lequel nous pouvons être sauvés. La Bible me dit que quiconque invoque le nom de Jésus ne sera jamais dans la confusion. Oh merci Seigneur, je bénis ton nom, je bénis le nom de Jésus, je bénis le nom de Jésus, ce nom qui est grand et redoutable, ce nom qui est merveilleux. Tu es élevé au-dessus. Oh, sois élevé Jésus. Merci pour ce moment. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, tu es merveilleux. J'aimerais qu'on chante ce cantique qui m'est venu pendant que je priais, Maman Gloria. Yahweh Ozali Bolingo Ya Solo. Ola Munayo Lomelasi. J'aimerais qu'on chante ce cantique dans une attitude de prière. Si tu le connais, tu chantes. tujue mwimbo huu unaimba. L'amour de Dieu est grand. Upendo wa Mungu ni kubwa. L'amour de Dieu est immense pour nous. Upendo wa Mungu ni kubwa sana. Yojali bolingo ya solo. Alléluia. L'amour boyo. Oh merci Jésus. Bon me la seco. Alléluia. Yahweh. Oui, chante avec la chorale. Bisolo. Que ça soit ta prière. Toka bola bo santu boyo. Yemba Yahweh. Yahweh. Ozali bolingo ya solo. Bolingo ya solo. Merci pour ta présence ce soir. Accent et quoi pour accotioni. Tu répands la vie. Tu nous donnes ta parole. Una tupati aneno lako. Et ta parole nous donne la vie. Na neno lako inatupa uzima. Oh merci. Accent. Sois élevé au milieu de nous. Kunyanyuliwe. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé dans nos vies. Que ta grâce soit là. Que ton amour nous remplisse. Que nos cœurs soient préparés pour recevoir tes oracles. Nous voulons les recevoir comme des disciples. Parce qu'ils vont changer nos vies. Ils vont nous conduire vers des rochers qu'on ne pouvait pas atteindre avec nos forces. Oh, je te suis reconnaissant ce soir. Bénis ton peuple. Bénis ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, alléluia. Avant d'inviter le docteur David, je suis dans la joie ce soir de recevoir son épouse qui est venu de Lubumbashi le matin ou à midi et qui est avec nous ce soir jusque le dimanche. C'est une grande joie et je bénis le Seigneur pour sa présence. Alors je demande à maman de se lever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Église, est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut l'encourager? Est-ce qu'on peut la saluer correctement? Oui, c'est comme ça. Oh, nous sommes dans la joie. Maman, merci beaucoup. Alors, pendant ce temps, j'invite le docteur. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur pour l'encourager. Acclame le Seigneur pour encourager ton Seigneur. Amen. L'onction augmente, hein, avec la présence de maman. Ça sera encore plus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre grand roi, notre sauveur, notre Seigneur, notre maître Jésus? Gloire à toi Seigneur, merci pour ta présence et pour ton nom, pour ces lieux, pour ton esprit. Nous glorifions l'autorité de ton nom et nous célébrons ta grandeur en disant que tu es Seigneur, que tu es roi, que tu es créateur et ton règne domine sur toutes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci, alors merci encore une fois à Papa Désiré, Maman Elvire, de nous refaire encore une fois confiance et de nous redonner leur chair. Que Dieu vous bénisse à vous tous qui travaillez avec lui et tous ceux qui participent à ces travaux intitulé Va avec la force que tu as. Alors ce soir j'ai pour thème gérer l'héritage négatif des pères. Gérer, aina kuchunga. Trouve le bon mot. Garder ni kuchunga. Gérer. Administrer. Kwangalia. Kongoza. Voilà. Gérer l'héritage négatif des pères et s'engager à dépasser leurs limites. Amen. Amen. Donc nous avons deux choses à faire. Premièrement, il y a un héritage que les pères laissent. Et cet héritage-là a deux aspects. Il y a l'héritage positif, il y a l'héritage négatif. Aujourd'hui, nous allons aborder l'héritage négatif. Mais en commençant par brosser l'héritage positif sommairement. Mais il faut également voir la réalité qui se présente comme un défi, faire plus que ce que tes pères ont réalisé. Amen. Si tu rates ce deuxième aspect, si tu ne parviens pas à faire plus que tes pères, tu commences à limiter tes fils. Ça veut dire que tu vas les amener à être victime des limites de tes pères. Leur destinée risque d'être une continuité du mauvais passé de tes pères. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 à 20, nous lisons. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Amen. Juges chapitre 6, 25 à 26. Juges chapitre 6, 25 à 26. La Bible dit: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Na angusha tena ayo maashari inakuwa juu. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher. Na kisha yake utaweka juu ya iyo miamba. Un autel à l'Éternel ton Dieu. Mazabau kwa milele Mungu wako. Tu prendras le second taureau. Utabeba tena ngombe wa pili. Et tu offriras un holocauste. Na utatoa sadaka ya kuteketeza. Avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Pamoja na miti ya iyo miungu utangusha. Amen. Amina. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel sura 18. De 1 à 4. Kwanja visi ya kwanja mpaka ine. Amen. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Basi neno ya milele kani tambulisha kwa iyo misemo. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. C'est ça, non? Les raisins et les zabibou. Je n'ai pas zabibou. Oui. Voilà, donc maintenant, soyez-les, n'amis. Amen. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du fils comme l'âme du père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous acclamons la parole du Seigneur. Gérer l'héritage négatif des pères. Mais attention, lakini kebeni ange, n'ayez pas une vision négative de vos pères parce que ils vous ont légué quelque chose de négatif. Musi ukuwe na ile onyo ya sipokuwa na usawa kwa maana wazazi walimwatia kitu kenye hakina usawa. Amen. Amina. Il y a un enseignement, une parole de Christ. Kuna kuwa mafundisho au neno ya Kristo qui nous présente yenye natutambulisha les pères Papa, comme étant kama ule anakuwa méchant mukali zaidi, mais capable de faire de bonnes choses. Lakini mwenye anaweza kufanya mambo mzuri. Amen. Amen. Ça veut dire si tu as un père ni kusema kama uko na baba avéré méchant mwenye alikuwa mkali, et même sa méchanceté na hata ukali wake est constaté, témoigné par tout le monde, même lui-même sait qu'il est. Tu ne dois pas le regarder dans sa méchanceté, mais tu dois le regarder dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit d'un père? C'est ça qui doit être la vision que tu devras développer sur lui. Malheureusement, souvent, plusieurs sont motivés par les expériences qu'ils vivent au courant de leur destinée. Ce qui se passe entre un mauvais père, un méchant père, et un fils, souvent le fils récupère ça comme manière de regarder à son père. Et même quand nous devenons enfants de Dieu, cette expérience-là négative vécue avec un père dur continue à être les lunettes avec lesquelles nous le regardons. À telle enseigne que on développe des attitudes et même des langages négatifs parce que le père n'a pas été bon. D'abord, premièrement, il n'y a de bon que Dieu seul. C'est ça que Jésus dit. Il n'y a de bon que Dieu seul. Ça veut dire nous tous aussi qui ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas bons. Amen. Amen. On est ensemble. Même si Atakama, tu voudrais qu'on te regarde comme bon, sache que tu n'es pas bon. Jua kusema wewe aona mzuri. Jésus a dit, Yesu alisema, il n'y a de bon kuna kuwa tu kema, que Dieu Mungu mwenyewe. Nous tous ici, nous nous efforçons à être des hommes et des femmes de bien. Mais dans la chair ici, en tout cas, là, c'est tout bien. Non, ne sommes pas bons. On est ensemble. Tuko pamoja. Et aussi, na vile, ne sois pas trop rigoureux à juger tes pères parce que tu seras père aussi. Usiwe haraka kwa kukumu wa baba kwa ajili na wewe utakuwa mzazi. Tu seras aussi jugé par tes enfants. Na wewe utahukumiwa. Et la Bible dit, on te mesurera wataweka kipimo avec la mesure que tu na kipimo kenye uli utilise. Kenye ulitumikia. C'est qu'un homme aura semé, yenye mtu atapanda, il le ata moissonnera. Atayavuna. On est ensemble. Tuko pamoja. Ce qui est intéressant avec Jésus, c'est qu'il a un regard tellement pur et plein d'amour qu'il voit même du bon dans le serpent. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. le serpent là qui a une mauvaise image depuis la chute des hommes, quand Jésus le regarde en tant qu'animal, pas en tant que diable, même s'il a prêté au diable son corps physique pour tenter Adam et Ève, Jésus le regarde d'un bon côté en disant: soyez prudent comme le serpent. Amen. Amen. Tu dois développer la sagesse avant d'aller vers le mal de quelqu'un. Considérez le bien qu'il a. Considérez le bon côté qu'il y a au-dedans de sa vie. Nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas des démons. Nous sommes des humains. Ça veut dire, tu ne dois pas développer une vision d'un ange sur toi. Toi, tu es bien. Et l'autre qui n'est pas toi est un démon. Non. Dans Job, il est écrit: regardons entre nous ce qui est juste, ce qui est bon. Amen. Amen. Je sais où je nous amène. Vos parents, méchants qu'ils sont, savent vous donner de bonnes choses. Amen. Amina. Ça veut dire que un père peut avoir été ce qu'il a été, mais tu dois apprendre à aller voir qu'est-ce qu'il a fait de bon et qu'il t'a donné. Amen. Amen. Et la première chose que les parents donnent et qui est la meilleure, que tu ne seras jamais remboursé, c'est t'introduire sur la terre. Amen. Amen. Ça n'a pas de prix. Tu ne rembourseras jamais ça. Amen. Amen. C'est pas pour rien que dans la langue française, on les appelle procréateurs. Je vais expliquer procréateur. Pro en latin, ça signifie en faveur. En faveur de. Par exemple, on peut dire quoi? Les pro-Tshisekedi. Fazili Tshisekedi. Les gens de l'UDP sont des pro-Tshisekedi. Fazili. Et les gens de l'ensemble sont les pro-Katumbi. Ça veut dire ceux qui sont en faveur de. On est ensemble. Je n'ai pas dit qu'on est ensemble. Je dis on est ensemble. Alors, quand on appelle un parent pro-créateur, ça signifie, c'est celui qui a été en faveur du créateur pour que le créateur t'amène à entrer sur la terre. Les parents sont des facilitateurs de Dieu en matière d'introduire les hommes sur la terre. En fait, ils participent à l'œuvre d'introduction des hommes sur la terre. C'est comme si Dieu les amène à participer à la création des hommes. On est ensemble. Et ça, pour autant que ça a déjà réussi, même si le parent te fait la pire des choses ici bas sur la terre, pour autant que il a été ton procréateur, pour autant que il a participé à la transmission du souffle divin sur ta vie, tu lui dois les honneurs. Tu ne lui dois pas les honneurs parce qu'il aura fait du bien dans ta vie. Tu ne dois pas lui priver des honneurs parce qu'il aura fait du mal dans ta vie. Tu lui dois des honneurs en sa qualité de celui qui a facilité le transfert du souffle de Dieu en toi. Est-ce que vous savez que la terre entière vit avec un seul souffle? C'est le souffle que Dieu avait introduit en Adam. Le jour où il a pris Adam, plutôt il a pris la poussière de la terre, il a formé Adam et il a soufflé en lui. C'est ce souffle-là qu'Adam a transmis à Ève pendant que Dieu a pris la côte. Pour faire Ève, c'était une côte déjà soufflée. Parce qu'on ne nous dit pas que quand Dieu a fait, puis il a souffert, il a souffert en Ève. Non, non. On dit seulement il forma, et puis il réveille Adam, il met Ève devant Adam. Ça veut dire le souffle qui était en Adam était dans la côte, et Dieu a fabriqué la femme avec une côte soufflée, une côte vivante. Et lorsque les deux se sont connus, ont commencé à engendrer les gens sur la terre, c'est le souffle de Dieu là qu'ils ont transmis à leurs enfants, et c'est ce souffle là qui est dans chacun de nous. Et toi, tu l'as hérité de tes pères. Ça, je le répète, ça n'a pas de prix, ça. Aïna na bei. Et c'est ça la base. Nani ina kuwa msingi. Du commandement. Ya ongozat. Honore. Eshimo. Ton père. Mzazi yako. Et na ta mère. Mama yako. Afin que bas, kwa tili, tu sois heureux. Pate kwa mwenye et que tu vives longtemps uishi sur la kwenye terre. Dunia. On est ensemble. Tunakuwa pamoja. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça m'nisikie mzuri. La matière de ce soir est très importante. Parce que plusieurs vies chrétiennes maisha mingi ya Kristo sont bloquées à ce commandement-là. Inakuwa yenye kufungwa kupitia hiyo tena amri. Vous voulez adorer Dieu et déshonorer vos parents. Unapenda ça ne marche pas. Kuabudu Mungu na kutokuheshimu wazazi. La Bible dit, si tu pèches contre un commandement, Biblia inasema ukitenda dhambi, tu deviens coupable de tout. Unakuwa mwenye umeharibu yote. Et sachez-le, najua kusema Jésus n'a pas annulé les 10 commandements. Hakuangusha amri 10. Il les a accomplis. Aliyatimiza. Et ces commandements-là sont de vigueur dans la foi chrétienne. Ya Kikristo. Amen. Amina. On peut aller plus loin? Naweza kwenda mbali. Dieu Mungu a gardé le monopole de la puissance en tout temps et en toutes circonstances. Même s'il peut déléguer un pouvoir et une autorité, il ne donne pas la pleine autorité à ses créatures. Non, non. Dans sa sagesse, il donne toujours une chose à gauche et puis il tempère avec une autre chose à droite pour qu'un seul individu ne puisse pas considérer qu'il est devenu comme Dieu. Dieu a donné aux parents le pouvoir de bénédiction et de malédiction. N'est-ce pas? Et puis ça, j'aimerais bien vous le dire. Quand vous lisez, ici nous sommes dans des choses vraiment spirituelles. Les parents sont des autorités, n'est-ce pas? La Bible dit toute autorité vient de qui? De Dieu. Ça veut dire que le principe de l'autorité vient de Dieu. L'autorité, c'est un supérieur ayant qualité et capacité d'interdire ou d'autoriser. Vous comprenez? Maintenant, les parents en tant qu'autorité, vous allez voir d'ailleurs que la bénédiction dans son historique, elle ne trouve pas ses racines dans l'église. La bénédiction a commencé avec Dieu et Dieu l'a donnée aux parents. Ce sont les parents qui étaient les agents de bénédiction dans les vies de leurs enfants. Ça veut dire les parents ont autorité de bénédiction. Ce sont les premières autorités terrestres de la bénédiction. Vous m'entendez? Maintenant, si Dieu laissait les enfants sans capacité de gérer ce que les autorités peuvent faire, les autorités parentales méchantes risquent de maudire les gens en désordre. Dieu donne pouvoir de bénédiction et de malédiction aux parents, mais il donne aux enfants le bouclier de l'honneur comme un anti-malédiction. Je m'explique. Ça signifie, un parent qui est autorité sur son enfant, qui a pouvoir de maudire l'enfant. Si l'enfant honore le parent, la malédiction du parent ne va pas affecter l'enfant. C'est-à-dire l'honneur que Dieu te demande de donner à tes parents, c'est ça le bouclier contre toute malédiction abusive qui viendrait des parents. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Ça veut dire, si mon père ou ma mère me maudissent, mais moi je les honore, la malédiction est sans cause, elle n'aura pas d'effet. Vous comprenez pourquoi? En tout temps et en toutes circonstances, vous devez avoir l'honneur parental comme bouclier. Quand tu vas commencer à dire, c'est genre des parents, je suis fatigué. C'est comme si tu as pris ton bouclier que tu as fait quoi? Tu as déposé le bouclier. Amen. Amen. Vous avez compris à ce niveau-là. Maintenant, je voudrais nous donner l'intelligence de Ézéchiel chapitre 18. De 1 à 2. Est-ce qu'on peut me donner ce texte-là que nous venons de lire? Ézéchiel chapitre 18. De 1 à 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Non, c'est même pas à deux, c'est jusqu'à quatre. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Verset suivant. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du fils comme l'âme du père. Amen. Le père a parfois tendance à penser que l'enfant lui appartient. Mais regardez ce que Dieu dit ici. Toutes les âmes ont acquis à moi. Ça veut dire, si tu es père, tu as mis sur la terre un fils, l'âme de l'enfant ne t'appartient pas. L'âme ne t'appartient pas. L'âme appartient de quel? Ton âme. Ça veut dire un père qui est sur un fils en tant qu'autorité doit savoir que Dieu est autorité et sur lui et sur son fils, c'est lui qui les gère tous. Après, on fait un bouba, ça, ou un jour. Faut pas être un père comme si c'est toi qui es Dieu. Et puis, il y a une fausse doctrine que l'on a intégrée dans les têtes des gens. Il est le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Il est Dieu dans les cieux, il est Dieu sur la terre. Si les parents sont les dieux de l'homme sur la terre, à qui Abel a fait ses offrandes? Ses prémices. Il a fait à qui? À Dieu, n'est-ce pas? Adam et Ève étaient déjà morts. Non. Ça veut dire dans chaque vie, que ce soit d'un père ou d'un fils, les premières choses, la première place appartient à Dieu, pas à un parent. Amen. Amen. Mbele ya wewe kuniza la Mungu aliniumba kama Mungu asikunyumba ke wao kwenye kuniza c'est Dieu qui m'a créé, c'est pas toi. Mungu njo wa kwanza, wewe uko wapi? C'est Dieu qui est le premier, toi tu es le dernier, le deuxième. Mimi ni wa tatu. Moi je suis le troisième. Ça, na mi wa tatu na wewe wa pili. Et moi le troisième, toi le deuxième. Dieu dit, l'âme du père et l'âme du fils m'appartiennent. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire quoi ici? Je ne peux pas aller en enfer parce que mes parents ont péché. Si eux ont péché, leur destinée éternelle est engagée par leur péché. Si moi, je crois en Christ, alors que mes parents n'ont pas cru, eux iront là où ils vont aller, et moi je vais là où je vais aller. Si eux ont cru en Christ, et moi je ne crois pas, j'irai là où je dois aller, et eux vont aller vers Christ. Ce verset ici gère les destinées éternelles. Faut pas le prendre. Unasema, et dire, la Bible dit, Biblia nasema, on ne donnera plus ce proverbe en Israël. Bile baba bangu barifanya vita ni bamba mi. Ce que les pères ont fait ne pourra pas m'atteindre. Ni bile barifanya sur l'éternité. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ce qu'ils ont fait économiquement dans la vie, ndani ya maisha, itakubamba. Ça va t'atteindre. Amen. Amen. Je vous ai donné l'exemple la fois passée. Votre père meurt sans avoir payé de loyer. Qui payait le loyer? C'est lui, non? Il meurt sans avoir payé le loyer. Lorsque vous l'enterrez, le bailleur vient. Vous lui amenez le péché ici. C'est plutôt le verset ici. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On ne va pas appliquer ce proverbe. Atakama urukuyaka ushakutoka kwenu. Tu étais déjà parti de chez vous. Awikalakete na kwenu. Tu ne restes plus chez vous. Utari pa ile loyer. Tu vas payer. Parce que uko nani? Kwa mana mutoto yake ya son fils. Baba yako. Ça veut dire kusema, il y a des réalités terrestres à gérer parce que tu les as hérités du père qui a été le tien. Tu ne vas pas les fouir, mais tu dois les gérer. Amen. Amen. Et ici, na apa, j'aimerais te donner deux sortes de réalités avant qu'on ne prie et puis on va rentrer sur le dos. Il y a les réalités de l'éducation et les réalités socio-économiques. Kuna kuwa kweli tena ya kuonesha na kweli ya iyo inakuwa juu ya kijamii. C'est ici que vous comprenez 1 Pierre 1:18. Ni hapa mnaelewa Petro wa kwanza. La Bible dit Biblia inasema que nous avons été rachetés de quoi? Tulikombolewa kupitia nini? De la vaine manière de vivre hérité de qui? De nos pères. Le rachat, c'est une opération spirituelle. Notre esprit est né de nouveau. Il est racheté de ça. Mais attention, l'âme ne naît pas de nouveau. L'âme doit être renouvelée. Il y a trois choses. Je crois que je vais bien vous expliquer ça dimanche. Dimanche, je vais m'expliquer bien. Le dimanche, je vais bien vous expliquer. Celui qui naît de nouveau en nous, ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. Vous me suivez bien? Lorsque Adam a péché, qu'est-ce qui est mort? L'esprit. L'âme a commencé à aller mourir. Et le corps aussi allait à la mort. C'est ça qui a fait que Dieu dise, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais celui qui est mort le jour où il a mangé, Dieu lui a posé la question, où es-tu? Et il a répondu. C'est à partir de l'âme qu'il répondait, mais ayant un esprit mort. Et Jésus dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire des morts spirituels en train d'enterrer un mort physique. Et les morts spirituels là ont une âme. Amen. Amina. Vous me comprenez? Prends d'abord Jacques 1. Biba Yakobo sura ya kwanza. Jote ni comprendre bien ça na kama usome. Biba la vous allez bien me comprendre. Jacques chapitre 1. Yakobo sura ya kwanza. Tunde kule kuma verset 20 22 kule. Verset ya 20 mpaka 22. Ma Bible bien ma somo. La Bible dit. Bible nasema. C'est pourquoi. Et quoi mana? Rejetant quoi? Tout panin. Toute souillure et. Yote jaso djou. Tout excès de malice. Recevez. Yanyel chungyo. Avec douceur quoi? La parole. Neno. Qui a été. Yanyel. Plantée. Il parle. En vous. Danienu. Et. Na. Qui peut sauver quoi? Vos âmes. La parole est plantée où? En vous. Elle peut faire quoi? Sauver quoi? Votre âme. Est-ce que Jacques parle à des païens? Non. Rentre Jacques 1:1. Nous allons voir à qui Jacques parle. Les épîtres ne sont pas adressées à des gens qui doivent se convertir. Oh, c'est adressé à des gens qui ont déjà reçu le Seigneur. Chaque serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Jacques est hébreu. Ce sont des lettres adressées à des frères en Christ d'origine hébraïque, des juifs, mais qui se sont déjà convertis. Ça veut dire ceci. Quand nous croyons en Christ, l'esprit naît de nouveau et instantanément cet esprit est sauvé, mais le salut de l'âme n'a pas encore eu lieu. C'est pour ça qu'il faudrait un travail dans l'âme avec la parole pour que l'âme soit aussi sauvée. Je peux expliquer, Mouzouri? Que je puisse bien t'expliquer. Toulouri et Toukoule, tu n'as toqué à Genèse. Rentrons d'où nous venons à Genèse. L'esprit d'Adam est mort instantanément, n'est-ce pas? Adam, il coufa mara mojato. Et la Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 18, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ou qui meurt. Ça veut dire la mort de l'âme est prochaine. L'âme ne meurt pas le jour où elle pêche, mais l'esprit de l'homme est mort le jour où l'homme a péché. Son âme a commencé à aller vers la mort. Et Jésus, plutôt Dieu, a dit à Adam sur le corps, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. 1 Thessaloniciens 5, 23. Tu vas voir qu'est-ce qu'un être humain. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Thessaloniciens 1, 5, 23. On peut nous projeter ça. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ok? Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la composition de tout notre être? L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est celui qui naît de nouveau instantanément et qui est sauvé instantanément. L'âme en qui on plante la parole doit la recevoir selon Jacques 1:21 pour qu'elle soit sauvée. Le corps, lui, ne sera jamais sauvé sur la terre. C'est après la mort. On parle de la rédemption de nos corps. L'apôtre Paul dit, si la tente dans laquelle nous habitons se détruit, nous avons une autre tente auprès du Seigneur. Ça veut dire, si le corps dans lequel nous sommes meurt, nous avons un autre corps où, auprès du Seigneur. Maintenant, Jacques nous dit que la parole a été plantée où? En nous, et elle peut sauver quoi? Notre âme. Si nous faisons quoi? Nous la recevons. Amen. Amina. Tu as déjà reçu Jésus. Ton esprit est déjà sauvé. Alors la parole qui est entrée en toi, mon niveau est nafsiako, dans le niveau de ton esprit, vous devrez aussi le recevoir. Recevoir ici, dans la langue d'origine, ça veut dire créer une amitié, tisser des liens d'amitié. Il y a des gens déjà sauvés, mais qu'on appelle des chrétiens charnels, n'est-ce pas? Ça veut dire dans leur âme, ils n'ont pas encore tissé l'amitié avec la parole de Dieu. Ils ont encore au-dedans de leur âme le goût de leur ancienne vie. C'est ça qu'on appelle chrétien, mais charnel. Et les apôtres en ont parler, notamment l'apôtre Paul, quand il parle aux chrétiens de Corinthe, il leur dit, n'êtes-vous pas charnel? On entend généralement parmi vous qu'il y a une impudicité telle qu'elle n'existe même pas chez les païens. Il y a même l'un d'entre vous qui a pris la femme de son père. Vous suivez ça? Cet homme-là, c'est un homme né de nouveau qui est déjà chrétien, mais dans son âme il n'a pas reçu la parole de Dieu comme standard de son comportement, et il s'est retrouvé en train de reproduire un modèle de vie pire que celle des païens. Et c'est à Corinthe que vous voyez aussi les dons de l'esprit, n'est-ce pas? C'est ça qui fait que parfois vous confondez les dons spirituels avec la maturité spirituelle. C'est pour ça que vous posez souvent des questions. Le don n'est pas un niveau spirituel. Le don, c'est une grâce que Dieu fait à quelqu'un qui a cru en Christ, mais la croissance spirituelle, ce n'est pas l'affaire du don, c'est l'affaire de l'âme de celui qui exerce les dons. S'il a un don, mais dans son âme, il ne se comporte pas selon la parole, il n'est pas ami avec la parole, il ne reçoit pas la parole, il a un don, mais un comportement charnel. Alors, voyez comment est-ce que vous êtes en train de faire. Tout monde, toi, il faut voir une personne prophétiser. Mon nom, vous voyez comme s'il est tellement spirituel. C'est faux. Prophétiser, ce n'est pas la maturité spirituelle, non. C'est une grâce que Dieu fait et à un homme charnel et à un homme spirituel. Le don vient par grâce sur ceux qui croient en Christ. Comportement est bien tout ingéné. Le comportement, c'est autre chose. Vous m'avez bien suivi. Tu peux être chrétien né de nouveau. Mais où que ça, Anania et Saphira. Vous aimez tellement l'argent. Ce sont des frères en Christ, Anania et Saphira. Mais Pierre leur dit, comment Satan a-t-il pu remplir vos cœurs? Ça veut dire, un homme né de nouveau qui est cupide, Satan peut le remplir. Ah, mon accompagnant, c'est ça, maman, mon père, n'est pas gagné. Voyez comme ça, il y a des problèmes à l'église. C'est parce que tout le monde n'est pas spirituel à l'église. Maintenant, rentrons au niveau de l'héritage hérité des pères. Il y a l'éducation. Il y a les problèmes d'éducation. Et les problèmes de la vie. Niveau économique, niveau social. Nous héritons ça des pères. Amen. Amen. Que j'appuie un peu. On est quoi, mon Christ impoli? Vous pouvez être un chrétien impoli. Si tu n'as pas bien appris chez vous, unamini. Tu as cru. Il est si unamini, le jour d'où tu avais cru, mentalité a quoi changé? Ta mentalité n'a pas encore changé. Tu as justement accepté Jésus. Au jour à venir, c'est là que nous allons voir. Mentalité a quoi changé? Si votre mentalité doit changer. Pasteur, vous n'avez jamais vu un pasteur qui est comme un voyou. C'est comme ça il est grandi. Hein? Pasteur. Vous n'avez jamais vu de pasteur. Pasteur. Il a des insultes dans sa bouche. Il parle des choses au devant des gens. Et même les païens polis ne peuvent pas le dire. Il y a des pasteurs même sur les pasteur tout. Il y a un pasteur qui commence un problème comme ça. Il va entrer dans la communauté comme on vous a appris chez vous. On n'avait pas accepté que vous puissiez parler de telle chose. Mais un serviteur de Dieu. Mais un serviteur de Dieu. Il a aussi des lanciers. Il est en train de mieux le parler. Son âme est en train de dégager éducation y a quoi, l'éducation de chez eux. Mais comprenez ça. Maintenant. Pierre a écrit aux Juifs aussi. Parce que la Bible nous dit qu'il est apôtre des Juifs. Et il leur a dit qu'ils ont été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de qui? Des pères. Ça sont tous les années. Que nous puissions aussi se demander, Bayouda, les Juifs, N'est-ce pas qui ont Dieu depuis Abraham? Mais Pierre a dit qu'ils avaient des manières de vivre. Pierre dit qu'ils avaient des 20 manières pour vivre. Toi et moi, nous venons de Kasai, de Kandembo, de Congo. Nous ne sommes pas des Juifs. Si les Juifs eux-mêmes, on leur dit que chez vous, il y a eu des choses qui vous ont détruit. Alors on vous a racheté de chez nous. Alors, nous n'avions jamais été de Juifs. Qu'est-ce qu'il y a chez nous? On a dû comprendre ça. Vous comprenez maintenant. Il faut qu'on gère. Il faut bien gérer cela. Hein? Oui. Ça suit jusqu'à même à l'église. Ça commence même à détruire ma promesse à Mungu, hein? Les promesses de Dieu. Je vais te donner l'exemple. L'enfant d'un serviteur. Le grandit, une fille. Son père lui a dit, faut pas se marier dans telle famille. Mais lui, c'est un chrétien. Mais il lui dit, cette tribu est tellement mauvaise. Alors l'enfant est en train de grandir. Alors pendant qu'elle voulait s'épouser, il est né. Le revenu. Toujours c'est de ces tribus que le père avait refusé. C'est eux qui sont venus. Alors la fille c'est semi-pacteur. Non. Toi, tu es devenue grande. Mais le mari, il n'y a pas de mariage. Alors la fille l'a répondu. Seulement les gens que tu n'aimes pas, c'est eux qui viennent. Alors qui est en train de combattre le mariage de la fille? N'est-ce pas, c'est le pasteur? Non. Vous rigolez quoi? Soyons qui a détruit le mariage de la fille? Qui a fait que la fille puisse prendre encore? Si son père était tellement chrétien dans l'esprit, lui avait au moins surmonté les choses, les problèmes tribales, il devrait aider la fille. On devrait la marier à Colanta. Les problèmes tribales, ça a commencé avec lui, soit ça a commencé avec les ancêtres. On a semé des mambos à Zamani. Voyez pas que son héritage, il a hérité cela. Il a introduit ça dans la fille. Il a oué ma et ça détruit la vie de la fille. Mon abioua, est-ce que vous savez ces choses ou pas? Combien déjà pendant qu'ils sont en train de parler, ils sont en train de prier parce que son père avait fiancé. Il n'aime pas cette tribu. Oh mon Dieu, nous sommes en train de briser. Tu vas briser le père de ton fiancé. Vrai ou faux? Bien Kweri, on est bien bon. Amen. Amen. Maintenant regardez bien. Ça c'est mon garier, Moussouri. Tu ne peux pas avoir été racheté de la même manière de vivre et continuer à vivre dans cette même manière de vivre. Comment on est dans cette manière de vivre? Sauvé tu l'es. Mais tu vas être victime de tous les esprits qui ont créé cette manière de vivre là. Tenons-nous debout, nous allons prier. C'est tellement dit. Mais à part la tongo, vous pouvez teke. Alors, notre frère ici de Corinthe, arrivé à Bibi ou à Babayak, il a pris la femme de son père. Bilitoke à Wapi. D'où ça a commencé? Au Kassoma Corinthe, il est. Il faut lire ce livre de Corinthe. Papa Désiré. C'est dans l'église de Paul qu'il y a ce genre de choses. Faut pas quitter dans l'église, il y a des problèmes. Est-ce que dans cette problème, il y a ce genre de problèmes? Un enfant de Paul. Il est de l'église de Paul. Il a pris la femme de son père. Dans quelle église? L'église de Paul. Voyez l'église où nous sommes. C'est pas dire ça signifie que pasteur en Abyssinie. Pasteur a échoué. Paul regardait dans son lit. Il a pleuré. Vous êtes en train de faire un petit visite. Vous surpassez même les païens. Le diable est un bon. Il regarde les païens. Qui est un petit gars. Il leur dit vous êtes tellement. Vous ne savez pas comment faire un petit gars. Allez à Corinthe et stage. Vous allez apprendre à faire des stages. Là, il y a des gens qui vous surpassent. C'est où? Dans l'église de qui? Paulo, de Paul. Le pasteur ne peut pas répondre de tous vos mauvais comportements. Chaque âme doit répondre de son comportement. Maintenant, à Corinthe, là, il y avait une déesse qu'on appelle Aphrodite. Aphrodite, allez lire la Bible, plutôt l'histoire. On vous dira que c'est la déesse grecque. De la beauté, de la sexualité et de l'amour. Elle avait son temple à Corinthe inauguré depuis 5 siècles avant Jésus. Maintenant, où les frères à Corinthe? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Tu dis bien quoi, Abou? N'est-ce pas, ça provient de chez eux. Vaine manière héritée de Tabia Mubaya de ses pères. Ya kutoka kwa baba yake. Ulansa kwenye manzambi ya mafamilia. Il y a des péchés familiaux. Na manzambi ya mamikini. Et des péchés qui Umu molika sa manzambi moye vini galaka. Et si vous ne constatez pas qu'il y a un péché qui est vraiment il n'y a kana mukanisa ile za. Entre jusque même à l'église. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide vraiment. Aujourd'hui, hein, Léo, prions d'abord et puis je vais aller sur la deuxième phase. Tu akwenda kungambo ya. Prions d'abord. Tu ombe que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. À installer sa nouvelle manière à lui de vivre dans nos vies. Recevons sa parole dans la prière. Prie dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Prends des décisions. Beba mipango. Prends la décision. Refuse d'être la continuité de la manière de vivre que tu as reçu chez vous. Refuse ça. Katala. Ça t'affaiblit. Ça dévore la force de Dieu au-dedans de toi. Et ça t'empêche de t'aligner sur les promesses de Dieu. Prends la décision. La Bible dit fuyez l'impudicité. Que ton esprit fuie ça. Refuse cet héritage là. Ce sont des choses, si tu ne fais pas attention, qui peuvent t'empêcher d'entrer dans les promesses de Dieu. Baba, Baba, utushike mokono yako. Qu'on nous remette Ésaïe 52, verset 2. Nous allons prier par là et nous allons prendre notre deuxième étape. Ésaïe 52, 2. Est-ce que je peux avoir ma bouteille d'eau? Ésaïe 52, 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Une Bible est assez mal. Secours tosha ta poussière. Vumbi yako. Amen. Amina. Lorsque le serpent a été maudit, on a dit qu'il Wakati va se mourir de quoi? Wakati nyoka alilaniwa alisema atafanya nini? De là? Na. Ou c'est on dit tu mangeras vumbi. La poussière usema, atakula vumbi de la terre. Ya udongo. Maintenant on te dit ici. Sasa wanakuambia hapo. Secours quoi? Pumputa ta poussière. Vumbi. Ça veut dire Nikusema, si la poussière, kama iyo vumbi l'impureté, la souillure dont Jacques parle en disant Yakobo yako nasema, rejetant toute souillure et toute malice, yote ce sont des poussières, ni ma vumbi, ni ma boutiafu, sont des si ça se trouve sur toi, Vous êtes comme une personne de la nourriture du diable. Ah, vous commencez à comprendre. On a et la Bible dit, la Bible est secoue ton chat. C'est toi qui dois secouer. Tu dois prendre des décisions. Parce que si tu laisses ces souillures-là que tu as hérité de chez vous sur toi en tant qu'enfant de Dieu, le serpent qui mange la poussière peut manger ta destinée. La Bible dit, celui qui se garde pur, le malin ne le touche pas. C'est-à-dire quoi, mini, c'est une chose, croire, se garder pur, c'est une autre chose. Et puis sachez-le, nous avons tous la même valeur quand nous sommes sauvés. Mais nous n'avons plus la même valeur quand nous sommes dans la maison de Dieu. Nous avons la valeur du sang quand nous sommes sauvés. Mais quand nous entrons dans la maison de Dieu, on n'a plus la même valeur. La valeur se décide à la pureté et à l'impureté. Si quelqu'un se garde pur, il est un vase d'honneur. Dans une maison, il y a des vases d'honneur et des vases à usage vide. Dans la maison de Dieu, il y a des hommes spirituels et il y a des hommes charnels. Pour mieux te sanctifier. Si il y a un coupe d'or qui tombe, est-ce qu'il n'a pas soukak? Et ça va se briser? Il n'y a pas soukak? Non. Comment copo? Alors si il y a plastique inamoublé de plastique tombe. Est-ce qu'elle n'a pas soukak? Et ça va se briser. Maintenant, beba coupe il y a or. Alors prenez le coupe d'or. Un copo il y a plastique. Et un gobelet de comment plastique. Comment yote binanza kwangu? Si et tous des commandements. L'esprit va à quel niveau? Au plastique ou au or? Au plastique soit alors. C'est le or, hein? N'est-ce pas alors? Bengine, il y a d'autres choses. Et quoi ça copo qui a plastique? Il est comme un gobelet de plastique. Attaque nanguka. Même si tombé. Ah, mukiache pas. Non, laissez seulement. Mais il y a d'autres personnes. Quand Dieu regarde que celle-ci, Jésus croit, je ne peux pas pour la Bible déclare, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Je dois te sanctifier, dire à Dieu. N'a secoué poussière. Yo, te prions dans le nom de Jésus. N'a katala, maïcha yote. Toute vie. Yaiki kidunia. De ce monde. N'a katala, maïcha yote. Toute vie. Y'a bile birtoke. Des choses qui ont été faites. Biliba la bicha. N'a birinia la bicha. Mele niamini. N'a bikatala, yote. Moujina la yesu. Dans le nom de Jésus. La vaine manière de vivre. De peur, je la refuse. Baba, père. Baba, tu n'as katala. Père, nous refusons. Tu n'as katala. Refusons. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Tu n'as katala. Bitu qu'on a tout affaiblir. Dit qu'on a tout chucha. Maisha ya zambi. Maisha ya ma compromission. Maisha ya kimwiri. La vie charnelle. Yesu, tu n'as secoué. Jésus, nous sommes en train de secouer. Que ça puisse quitter. Où est Maisha yetu? C'est nos vies. Troisième niveau et puis on va rentrer sur quelques éléments et terminer. Nous riche pas Esaïe 52:2. Redonner encore Esaïe 52:2. Bible l'enseigne. La Bible dit détache, détache les liens de ton cou. Inakuwa mshingo ya. Détache les liens de ton cou. Fungua makamba yenye kushingo ya. Captive de. Yenye likufunga mshilo. Banasema nani a détaché? Qui doit détacher? Apa peko délivrance personnelle. Apa ni ufungulivu au peke. Udifungule we moya. Tu dois seul te délivrer. N'est-ce pas, ici c'est dans l'Ancien Testament. Il y a d'autres cas. Il y a Maïcha Yako sur ta vie. Surtout, il y a bintu bibabile bari kwe kandani ya. Des mauvaises choses là ont été introduites. Personne ne peut les enlever. Bile ma manière, bile. Ces manières. Abata bitoka. Abata bifukusha au nom de Jésus. Ni weye. C'est toi. Qui pourra au moins te détacher. Amen. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez esclave de personne. Si tu continues à garder ces manières-là, tu es esclave des hommes qui les ont commencés. Qui doit détacher? Toi-même. Katala bile bile. Fils, c'est chaud. Libère-toi de ça. Déclare devant Dieu, Seigneur, je me détache de toutes ces choses-là qui me rendent captif dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Jésus, je me détache de tous les liens. Je me détache de toute attitude par laquelle l'ennemi peut m'entraîner dans l'esclavage. Au nom de Jésus, la Bible me le donne comme pouvoir. Détache-toi. Je me détache. Je me détache. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Et nous nous asseyons pour quelques minutes. Je parle un peu, nous prions et puis on va continuer le dimanche. Souvenez-vous de ce qu'il est écrit dans Hébreu. Que nous avons une grande nuée de témoins qui nous environnent. Une carrière nous est déjà ouverte. Et la Bible nous appelle à nous débarrasser du péché qui nous enveloppe. Si facilement. Qui doit se débarrasser du péché? C'est nous-mêmes. Amen. Et le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il nous enveloppe. L'enveloppe, c'est la dernière étape avant la livraison. Quand on regarde mon enveloppe, si on vous met dans l'enveloppe, quand on regarde qui tout mon enveloppe, c'est que. Si le péché t'enveloppe, sachez que la prochaine étape, on va vous livrer de l'autre côté. Amen. Amen. Il faut quitter dans ce genre d'enveloppe. Si pas, on va vous frapper de longs courriers. Vous irez tellement loin. Parfois, par rapport au péché, je voudrais vous expliquer les quatre points cardinaux. Il y a quatre points cardinaux. Il est Bible nasema. C'est que la Bible dit que Dieu nous éloigne de nos iniquités. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Ça veut dire comme l'Est est éloigné de l'Ouest. Quatre points cardinaux. Nous avions étudié ça à quatrième primaire. Nord, Sud, Est, Ouest. Le Nord-Est, ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe. Le Sud-Est, ça existe. Ça n'existe pas. Ok. Le nord-ouest existe nord ou n'existe pas? Iquako, ça existe. Mais est-ce qu'il existe l'est ou ouest? Est-ce qu'on a quoi est na ouest? Abata patanaka est na ouest. Jamais ça doit pas se trouver. Abata patanaka. Il y aura jamais ce. Est-ce qu'il existe le nord-sud? Est-ce qu'on a nord-sud? Nord na sud, hein? Nord-sud. Abata patanaka. Il pourra jamais se trouver. Comment nord en atteint Kaï? Si nord. bouge de ce côté. Si Dagon atteint Caïn, si Dossi passe de ce côté, il ne pourra jamais. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu nous éloigne de nos iniquités comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Ça veut dire on n'a plus de point de rendez-vous avec le péché. Si le péché est au nord, moi je suis au sud. S'il bouge, je bouge au sud. On gardera la même distance. C'est à toi de faire ça. Amen. Maintenant le défi de dépasser les limites de nos pères. On va plus en parler dimanche. Mais je vous mets un peu d'eau dans la bouche parce que le temps est parti. Amen. Amen. Je rentre sur la première chose que je vous ai dit. Ne regardez pas seulement les mauvaises choses qu'il y a chez les pères. Pour renverser l'autel de Baal qui est au père de Gédéon, quel est le premier ordre que Dieu donne à Gédéon? Soma. Autolorichi est parlé. Donnez-nous. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Wamzi suraya sita. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je crois que c'est versets 24 et 25. Hein? 25 et 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, qu'est-ce qu'il lui dit? Le jeune taureau est à qui? Gombe uyo ni wanani? De ton père. Ça veut dire, il y a quelque chose de ton père qui t'est utile dans ce que je vais faire avec toi. Après la Kwangada, tout par Babaya Kwarile Tabal. Mais où les Babaya Kwarile Tabal? Le père qui a amené. Et quand même, on a bien tout bisou. Il est au taureau. Il a amené aussi des taureaux. Amen. Amen. Nikufungule ko macho kiloko. Je trouve un peu les yeux. Oui, on a kataka malien. Toi qui es en train de briser le lien. Shurikate qu'on a oué du coup lien entre Baba et maman. Parce que tu es lien entre ton père et ta mère. Oui, qui kata malien. Toi qui brises le lien. Bi malien bi aye famille. C'est genre de lien. Tu es en train de briser. Brise d'abord. Kuku bi la wakata. Il y a d'autres choses qu'on ne doit pas briser. Ce sont des choses bonnes. Bizuri. Que les parents ont pu donner dont tu as besoin pour avancer. Quoi tu d'où est-ce que tu as trouvé cette beauté? Comment on a quitté? C'est là que tu es tellement jolie. J'y fais même des fiers. Oui. Gloire à Dieu. C'est pas comment? Bon, Dieu, où l'on a fait ma gloire? Le Dieu qui a donné. Il t'a donné. Il t'a donné. Qui en moi donne. Tu n'es pas le bazar, Zibale. N'est-ce pas ce que tu as donné? Si tu n'étais pas lié à toi, tu ne devrais pas être. Aulon a semé qu'à taureau. Ne voyez pas question de taureau. C'est la bonne chose que tu as hérité des parents qui peut te permettre de faire un pas dans la vie. Ah bah ça sur la chambre. Le parent qui t'a confondu sa maison. N'est-ce pas équitant à ta manabo? Même si ici, j'aimerais bien vous le dire. Tu comprendrais combien tu bengi. Comprenons mieux d'autres choses. C'est une personne qui ne connaît pas Dieu. Atafanya nini? Qu'est-ce qu'il doit faire? Si pas qu'il en a eu. N'est-ce pas ce qu'il connaît? Alors le grand-père de ton père, lui ne connaissait pas Dieu. Il va apprendre au père de ton père quoi? N'est-ce pas ce qu'il avait connu? S'il connaissait au moins la sorcellerie, est-ce qu'il doit lui enseigner la Bible? Lui ne connaissait pas. Ça veut dire, c'est-à-dire, il y a certaines choses qui ont été faites par des pères qui étaient mauvaises, mais les pères ne savaient pas que c'est ce qu'on leur avait donné. C'est ce qui nous a aidés. C'est ce qui nous a aidés aussi. Je dois aussi donner. Il fait le mal avec bonne volonté. Non. Pourquoi? C'est tout ce qu'il avait. Alors ne soyez pas très dur avec eux. Parce qu'ils étaient dans ce qu'on appelle tant d'ignorance. Ils ne pouvaient pas faire autre chose que ce qu'on leur a appris à faire. Toi aussi, on te met dans la même condition, tu feras la même chose. On est ensemble. C'est pour ça que il faut juste les regarder. Il donne même des taureaux. Prends le taureau qui est à ton père. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon chez ton père. Même s'il a fait quelque chose de mal, vos parents méchants qu'ils sont savent vous donner des bonnes choses. Ou les taureaux, ou les taureaux, qui l'avait donné? Le français que tu parles. Il y a une chambre dans une famille. Vous savez cette famille-là. N'arrive pas Minerval. Qui a payé le Minerval? Il y a un taureau. N'est-ce pas, c'est le taureau? On a rifié la Léo. Tu es en train de faire des fiers. On a chambou la couenne, tu es en train d'insulter chez vous, pasteur. Parle de quoi la couenne, on voulait Nanza, on a couenne. Tu étais chez vous quand il pleut, qu'il y avait la pluie. On a couenne dans mon dia. Tu partais où? Tu pars de quoi loger? N'est-ce pas, ils t'ont logé? Vous ont logé. Vous ont habillé. À table, quoi, on se couenne. Même si c'était pas suffisant. Mais au moins. Non. C'est un taureau qui a au moins aidé. Il ne faut pas vraiment bêtiser tout. Il ne faut pas jeter. Avant, il y a quoi pour détruire Bâle. Regarde. Qu'est-ce que j'ai que mes parents m'ont donné. Fais quand même ce point-là. C'est pour ça que Dieu a dit à Gédéon. Il ne faut pas détruire l'autre. Il y a un taureau. Ton père a au moins un taureau. Prends d'abord ce qu'il y a ton père. En chacun de nous, il y a un taureau. Il y a le bon du papa et de maman. Nous sommes en train d'utiliser jusqu'à aujourd'hui. Tu me donnes pas exemple à Maungu. Je vous ai donné l'exemple de maman. Votre corps. Il en est fier là, Ganaï. Vous êtes en train de faire avec des fiers. Une fois on vous regarde. Tu chauffes fanana na papa ou na maman. Soit vous ressemblez à votre papa ou soit à votre maman. Quand banata ya jina baba. Si ensuite il est notre ton père. Attaque à Maungu ya ona na même si toi t'as pas ses noms. Bah tu quittes na elle. Une fois t'appeler ses noms. Je n'en suis tout gâc. N'est-ce pas, tiens ton. Il a batoché. Ça, on ne peut jamais payer. Il est ni taureau. Il ça, c'est un taureau. Tu prends ça avec des filles. Amen. Amen. Mais là, quand à la fou, tu sais voir le bien, la porte de tes pères dans ta vie, tu dois aussi être froid à remarquer que ils ont fait une erreur à part. Ici. Amen. Amina. Tout le monde voudrait bien que son père ne fasse pas une erreur. Mais il peut arriver que ton père ait fait une erreur. Ne la défends pas. Elle risque de te faire errer. Tout ce qui n'a pas été bien fait selon Dieu est à détruire pour que le système de Dieu s'installe. Amen. Amen. Ici, je voudrais vous parler économiquement avant de terminer. Oh non, non. Hein? Voyez. C'est vrai. On peut vous laisser une maison. Kubazazi, n'est-ce pas? Par des parents. Pourquoi pas 5? Vous étiez à 5. Munaowa, munaoleo. Vous êtes marié, on vous a marié. Munakwangapi. Vous devenez à combien? 10, hein? 10. Mukizale moye bote. Si vous tous, vous trouvez des enfants. Munakwangapi. Vous devenez combien? 15, hein? N'est-ce pas 15? Comment il est nyumba, il est njolé. Si cette maison. Moranza kuripisha, il est nyumba. Là que vous demandez les loyers. Mourikwa 5 qui ne miripia ma somme. Ça paye pour vous les études. Quand mon akwa 10. Si vous devenez à 10. Mon akwa 15. 15. Et ta miweza tena. Est-ce que ça va suffire? Tu prends un autre kafujo pour y aller. Petit avare du désordre. Mouna ni comprendre. Me comprenez. Mouna pas choku foya nini. Qu'est-ce que vous devrez faire? Djoufou, Dieu, si toi, pour qu'il n'y ait pas de désordre. En tout cas, tout sérieux. Du soyons tout, sérieux. Hein? Surtout quand maman est à Wenu, Dieu a chéri la moule, si c'est un parmi vous qui reste à Wenu, Dieu a la courir à loyer. À partir de là, tu as demandé l'argent de loyer. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, comment est-ce que nous échouons à vendre? Non, c'est la maison que papa nous a laissée. Ça appartenait à papa quand il était en vie. Quand il n'est pas là, cette maison ne lui appartient pas. Il a construit ça pour que ça puisse vous permettre de résoudre d'autres problèmes. Il n'a pas construit pour que ça soit un problème. Restez là et réfléchis. Bien. Je n'ai pas dit de vendre tout le show de vos parents. Vous me comprenez? Quelle est la manière de gérer une chose qu'on vous a laissée qui était bonne quand vous étiez enfant, mais quand on a commis, mais pendant vous êtes en train de grandir, ça commence à devenir un danger. Ça fait partie de la sagesse que vous devez avoir. Pasteur, que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. Je termine par là, je vais encore continuer. Dimanche. Le dimanche. Mais que soit subui. Mais demain matin, nous je suis avec les serviteurs. Tous les serviteurs. Batumish bote ba mungu. Nous avions ce que nous appelons masterclass. Il ne faut pas craindre la langue anglaise. C'est les enseignements. Il est masterclass ni mon anglais tout. Il est justement en anglais. Bien masterclass. Mais ça s'appelle les enseignements pour les serviteurs. Nous aussi nous aimons les choses d'autrui. Comment tu veux comme soyez ta semaine ma fondition ya ministère pour les ministères. Nous allons parler sur les ministres tout à son musique ou sur mutumishi wa Mungu et leur ministère dans l'assemblée locale mutumishi wa ndani ya kanisa. Bienvenue demain matin pour écouter ces l'assemblée locale, c'est la chose avec laquelle Dieu traite sur la terre. Ndani ya kanisa ni kule Mungu eko na tenda naye. Jésus a remis à l'église locale l'autorité de reconnaître les ministres et de les envoyer. Si nous commençons à déranger l'assemblée locale au profit des ministères tels qu'organisés, nous sommes en train de partir. Personne ne va plus contrôler quelqu'un. Nous devons remettre l'assemblée locale dans son nom. Autorité. Paul appelle ça Paulo anasema, la colonne tena, et l'appui de la vérité. Quand Jésus, et plutôt Paul en parle, là il ne parle pas de l'église corps de Christ. Il parle de l'église maison de Dieu, assemblée locale, en termes de colonne et appui de la vérité. Et il dit à Timothée que tu dois apprendre à te tenir dans la maison de Dieu, l'église de Dieu. La colonne et l'appui de la vérité. On n'a pas dit les ministères. On a dit l'église. Quoi que chose. Bien demain matin. Baba Wanyumba Tubarik. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Oh, c'est merveilleux. Lève ta main droite là où tu es. J'aimerais que tu bénisses Dieu avant de passer aux offrandes pour le taureau que tu vois dans la maison de ton père. Change un peu de philosophie ou de théologie ou de pensée. Dans la vie de tes parents. J'aimerais que tu bénisses Dieu pour une deux ou trois bonnes choses que tu trouves. Natamani umushukuru Mungu kwa vitu viwili au vitatu. Que tu dis, Seigneur, ça je peux prendre. Sema Bwana hiyo naweza kuyachukua. Et ce taureau là a aidé Gédéon dans la suite de sa vie. Uyu ngombe ilikuwa Gideoni kwa maisha ya kumbele. Il y a des bonnes choses dans la maison de ton père. Kuna kwa vitu vizuri nyumbani mwa baba zako. Qui vont t'aider et qui peuvent t'aider. Yenye naweza kukusaidia na itakusaidia. Pendant une minute. Kwa muda tu mfupi. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Napenda uombe. Il y en a qui seront des grands hommes à cause de la bonne éducation. Kuko wale watakuwa watu wakubwa kushindia hiyo mafundisho. Il y en a qui seront des grandes personnalités à cause de bons conseils. Wengine watakuwa tena wakubwa kupitia mashauri mazuri. Il y a des familles où l'organisation commence dans la famille. Kuna kuya machamala ingine banatunga ndani ya jamaa. Il y a des familles où il y a des choses extraordinaires dans la qui commence. Kuko machamala ingine vitu vizuri. On nous a dit même cette semaine, il y a dans ton héritage, dans ta destinée, il y a des choses que tu as trouvées comme point de départ dans ta destinée. Chacun de nous a toujours quelque chose. Alors bénis le Seigneur pour. Même une petite chose, bénis le Seigneur. Nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix. Bénis le Seigneur. Seigneur, merci. Dans la vie de nos pères, de nos parents, je te bénis pour les bonnes choses. Le modèle de sacrifice. Des parents malgré les problèmes. Il s'est privé de tout. Il s'est sacrifié pour leurs enfants. Il s'est sacrifié pour nous. Le modèle de pardon. Malgré les problèmes. Ils savaient pardonner à leurs enfants. Oh, sois béni. Dans l'église, la même chose. Seigneur, merci. Sois élevé. Merci pour nos pères, pour les bonnes choses. Nous avons étudié. Nous nous sommes mariés. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer pour les bonnes choses de tes pères. Pour les bonnes choses de tes parents. Je disais, est-ce que tu peux acclamer pour les bonnes choses de tes parents? De tes parents. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous donnons les offrandes rapidement. Avant de vous donner le communiqué. On peut mettre un panier là devant rapidement le protocole. Mettez un panier là. Mettez ce panier ici. Eric, mets le panier ici. Et Patricia, ça va. Eric, mets le panier ici. Oui. Ne fais pas beaucoup de mouvements. Merci, madame. On met là-bas pour gagner le temps. Nous donnons les offrandes. Seigneur, je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour un toi. Un parfum qui chante. Un parfum qui chante. Un parfum qui danse. Un parfum mélodie. bénissons ces offrandes. Nous bénissons ton peuple qui a tendu sa main pour t'adorer avec ses offrandes. Bénis sa vie. Bénis ses provisions. Au nom de Jésus. Amen. Donc demain à 9h. Nous avons notre masterclass de 9h à 11h. Pour que le pasteur ait le temps de souffler aussi. Toute la semaine. Oui, qui c'est pas évident pour qu'il ait le temps de faire un petit tour. On va faire un petit tour à Likasi aussi. Qu'il voit un peu. Bon, avec surtout que maman est là, qu'on un petit tour pour savoir, pour voir à quoi ressemble Likasi. C'est important de se détendre aussi un peu. Alors nous commençons à 9h. C'est une master, c'est une classe. Vous connaissez aussi l'occasion de poser des questions. C'est un enseignement. Et avec notre pause café habituelle à 10h, juste 10h05. Et puis continue encore. Pour qu'il y ait cette interaction, ces échanges-là. Et comme d'habitude, la masterclass est ouverte à tout le monde. Donc soyez là à temps. Si on dit 9h, ne quitte pas chez toi à 9h. Si j'ai dit 8h30, mi talanda. Tu as 9h, tu as dit ça au fiqué. 9h, tu nanja. Il ne faut pas quitter la maison à 9h. Il faut quitter à temps. Et de telles choses à 9h, nous pouvons commencer facilement. Et à ce moment-là, nous préparons le culte de dimanche calmement. Et que le Seigneur puisse vous fortifier. Nous nous tenons debout. Remercions le Seigneur pour ses enseignements merveilleux. Dis Seigneur que je retienne ces choses dans ma vie. Ces choses qui vont m'aider. Ces choses qui vont m'aider. Que je les retienne dans ma vie. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci parce que ta parole a la vie en elle. Quand la vie vient, c'est la seule façon de chasser les ténèbres. C'est d'allumer la lumière. Merci, tu es en train de chasser les ténèbres de nos vies. Pour que la lumière de ta parole puisse nous conduire et nous diriger. Je bénis ton serviteur. Je bénis ton peuple ce soir. Garde nos cœurs dans ta présence. Garde nos cœurs pour comprendre cette révélation. Donne-nous l'intelligence spirituelle de comprendre ces choses. Et de marcher dans tes voies. Merci Seigneur. Je bénis ton peuple. Je le commande cette nuit entre tes mains. Que ta grâce soit au milieu de lui. Je prie ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée.